mema o chéri o na mono ko pasi no boye nyongo nini na defai na le manko funa na sili lo lendo chéri o oh lili o na kawe lili o Mama, plaisir est gagné. Chérie, à bébé, c'est